DM Pierrot Péchaud. Chivance Freestyle numéro 8. Ah! Aime la baisse, rouillard, au bon char, j'ai vissé à la veste mouillée, j'ai pas besoin de montrer que je suis le best ou pas, comme toi, par la police dans la tête fouillée. Je sais qu'on fait peu la fête, au fait. Y'a les bacs qui font des feintes, non, faut qu'on prenne l'avion juste pour festoyer. On des soucis et des Yankees qui se mettent à perte, oh yes. Les DB canins verts, c'est la vida. Pas paniquer le délire, fais une vidange. Chez nous, on dit jamais que l'alcool devient vital. On saute comme des chétalons de mener une vidange. On se voit dans le mur, silago, cappuccino. On dit quoi, trop cigarillo, mochino. Ou dans la tête avec la capuchigo. On veut renoir dans le bas qui bosse en mode China. Eh, c'est pas la fête, j'en sors trois. Et me dit qu'il veut celui du milieu. Comme d'hab, tu souviens qu'on y a. Je suis une abeille en recherche de miel. J'ai mal à la tête, on peut vouloir mon bien comme me faire du mal. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, je prends le shit sur des recharges de mille. Comme d'hab, je suis une diagonie, je suis qu'une abeille en recherche de miel. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, je prends le shit sur des recharges de mille. Et puis pire, t'es un baron dans Piwi, fais-toi pas chasser par tes DM. Vodka se mélange au kiwi, bourré on entame la VPN. Souvent tu te demandes c'est qui lui, tu ne me vois pas sur MCM. Mani t'inquiète pas, je fais la jeep, je cartonne comme l'époque BPM. En vrai je tiens la sacoche impeccable. Argent facile gros on aime beaucoup. Y'a des scooters MBK, FFF crie à l'arrêt gros faut que ça tienne le coup. Freestyle carré à la tienne le coup. On se moque pas t'inquiète, on écoute les tout. Je veux pas de mytho, cagoulé incognito. Bouteille pour apéro, j'écoute le tout. Écoute les sons potes, wesh les souris tu. Je te respecte même si tu dis qu'ils sont pétés. Ayant qui me reconnaît, me dit tes souris tu. Trop cool, tu pètes la niaque même sur un son d'été. Cramé dans la loque, on mange une salamande. J'ai mal au ventre, je viens finir un mélange à la pêche. Recherche la vodka, du seuf à la pomme. On ne crache que du fait poté, viens sucer à la mèche. Comme d'hab, je suis une diagonie, je suis qu'une abeille en recherche de miel. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, je prends le chèque sur des recharges de mille. Ouais, la famille, ça fait plaisir, restez branché. L'album il arrive d'ici peu. Chance en main, 77 400. DIM. Y'a rien pour vous, vous êtes malade, je prends le chèque sur des recharges de mille.